Mimosa Cuba sous les tropiques. Y'a pas que les moustiques ici qui te piquent. Si t'aimes les corps à corps révolutionnaires, suis-moi dans mon exil si c'est pas l'enfer. Je vais assaisonner sel et tequila et danser les pieds devant Garacoca. On va se mettre à sac dans les cafés baroques. Venga baila la salsa Che Guevara, Fidel Castro, los Barbados. Venga baila la salsa Che Guevara, Fidel Castro, los Barbados. Suffit pas d'un verre et fumer des Havanes. L'odeur d'un cochino, la sucre del cas. Fais peur aux géants, petit gulliver. Les enfants de Cuba l'ont mis à la mer. C'est les malices des vices à la CIA. C'est pas du pain d'épices ni de la salsa. C'est de la guérilla. Guérilla. Pain de guerrera, pépampé. Pain de guerrera, pépampé. Et danser les pieds devant Garatoka. On va se mettre à sac dans les cafés baroques. Venga baila la salsa Che Guevara, Fidel Castro, los Barbados. Venga baila la salsa Che Guevara, Fidel Castro, los Barbados. Venga bailar la salsa Che Guevara, Fidel Castro, los Barbados. Venga bailar la salsa Che Guevara, Fidel Castro, los Barbados.